Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la Révolution haïtienne, une affaire de liberté et de citoyenneté. On ne peut pas parler de la Révolution haïtienne, il y a plusieurs révolutions, c'est plusieurs révoltes. Et le premier coup, ce sera le coup des propriétaires terriens. Et ensuite, il y aura d'autres révoltes et l'impensable va se produire, la Révolution des esclaves. Et personne à l'époque pouvait imaginer que ça pouvait se produire. Non seulement les esclaves se révoltent, et en plus, les esclaves veulent fonder un pays. L'animateur Serge Bouchard, à l'émission Les chemins de travers en 2009, entre le début du mouvement de révolution en Haïti et la proclamation de l'indépendance du pays le 1er janvier 1804, il va s'écouler un peu plus de 10 ans. Le génie de cette révolution haïtienne a été de libérer de l'esclavage la plus grande partie de la population de Saint-Domingue, tout en faisant, du même coup, les citoyens du premier pays noir à devenir indépendants de l'histoire. Ce thème de la délivrance, le peuple haïtien, spontanément, par un mouvement psychologique naturel, le cherche dans l'histoire, dans la grande délivrance que notre histoire révèle, savoir cette révolution que nous avons opérée en 1804 et qui nous a fait passer de l'état d'esclavage colonial à l'indépendance nationale. Cette histoire nous a marqué profondément. L'Haïtien est non seulement fier de son histoire en ce sens qu'il sait qu'il a l'une des plus belles du monde, mais en outre, il cherche dans l'histoire des thèmes d'inspiration. Et il se rend compte que la révolution qu'il a opérée, cette révolution a été politique, mais il faut la parfaire sur le plan de l'affranchissement économique et culturel. Mmh. Et c'est ce qui explique que ceci pose un problème, le problème de l'occidentalisation en quelque sorte. Qu'est-ce que nous devons faire pour cet affranchissement économique et culturel? Est-ce que nous devons nous dépouiller en quelque sorte des valeurs d'Occident qui nous ont été imposées? N'oubliez pas que nos ancêtres n'ont connu que l'Occident colonisateur et esclavagiste. Devons-nous retourner à notre personnalité africaine ou du moins aux origines africaines de notre personnalité? Sur la musique de l'hymne national haïtien, vous entendiez l'homme politique et futur président du pays, Leslie Maniga, en 1959, au moment où la journaliste Judith Jasmin se rend en Haïti pour l'émission Premier Plan, pour nous raconter cette grande révolution haïtienne qu'évoque Leslie Maniga dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Je reçois Jean-Pierre Ledlenec. Jean-Pierre Ledlenec, bonjour. Bonjour. Qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Cette révolution, la révolution haïtienne, elle se fait, Jean-Pierre Ledlenec, à peu près au même moment que les révolutions françaises et américaines. Comment elles se comparent, ces trois révolutions? Mais j'ai envie de revenir au commentaire de Serge Bouchard au tout début de l'émission qui parle de l'impensable. Et par impensable, peut-être implicitement ou explicitement, Serge Bouchard fait référence à un livre de Michel Rolfe Trouillot, anthropologue haïtien, livre culte publié en 1995 intitulé « Silencing the Past, Power and the Production of History ». Et dans ce livre, Michel Rolfe Trouillot explique que la révolution haïtienne à la fin du 18e siècle est une révolution de l'impensable. Elle est impensable et donc pour cette raison-là d'ailleurs, elle est fantasmée, elle est détournée, elle est déformée, fin 18e, début 19e siècle, et puis après 19e, 20e siècle, voire début du 21e siècle. C'est une révolution qui est occultée, dont on ne parle pas, dont on parle beaucoup des révolutions françaises et américaines, ouais. Parce qu'elles semblent importantes. La révolution américaine, incarnant finalement la première révolution des droits humains, révolution qui pose la question de la souveraineté. D'où vient la souveraineté? Est-ce que la souveraineté vient du roi d'Angleterre ou est-ce que la souveraineté vient du peuple des 13 colonies qui accepte de se départir d'une partie de leur liberté finalement et de la confier à un État fédéral ou, et on parle beaucoup de la Révolution française qui met fin à la monarchie absolue, mais on parle très peu finalement de cette révolution de l'impensable qui est menée certes par des grands blancs, des petits blancs et des gens de couleur libre, on va en reparler, mais d'abord et avant tout par des esclaves. Oui. Et c'est ça qui est... c'est une révolution... C'est la plus spectaculaire, quand on y pense bien. Puis Leslie Maniga le disait aussi, un peuple qui passe à peu près... Écoutez, les proportions, là, l'esclavage est largement répandu à Saint-Domingue avant l'indépendance. À peu près tout le monde, entre guillemets, est esclave. Donc, non seulement... d'où le titre de l'émission, c'est une affaire de liberté, on s'affranchit, mais on crée un pays indépendant. On devient citoyen d'une république. Ah, tout à fait. C'est la révolution peut-être la plus radicale des trois grandes révolutions atlantiques de la fin du XVIIIe siècle. La révolution américaine est radicale à bien des égards, puisqu'elle pose en effet la possibilité qu'il existe des droits qui sont humains, inaliénables. La révolution française aussi est radicale dans le sens où elle met fin à l'ancien régime. Mais la révolution haïtienne est la plus radicale des trois, je crois, puisqu'elle fissure de manière durable et, indiscutable, le dogme de la race, qui est le dogme sur lequel s'appuient finalement les sociétés esclavagistes des Amériques depuis le début du XVIe siècle. Ouais. Alors, avant de revivre ensemble un peu plus de 10 ans que ça va durer, ce mouvement révolutionnaire en Haïti, commençons par rappeler d'où part ce peuple haïtien au moment où débute ce mouvement révolutionnaire. Faites-nous le portrait, Jean-Pierre Ledelenec, de ce à quoi ressemblait Saint-Domingue avant la Révolution. Mais au commencement d'Haïti, il y a donc Saint-Domingue, une société coloniale qui émerge relativement tardivement dans le monde colonial français, fin 17e siècle, début 18e siècle. Les premières colonies françaises sont plutôt la Martinique et la Guadeloupe. Et puis Saint-Domingue émerge en 1697 comme colonie française. Dans un premier temps, c'est une colonie qui est relativement peu prospère, mais très vite, la colonie devient une colonie sucrière et puis caféière. Et sucre et café font la richesse de cette colonie qui est présentée comme la colonie par excellence au XVIIIe siècle. Saint-Domingue est toute petite colonie. La superficie, c'est l'équivalent du Massachusetts. Donc, c'est un minuscule territoire, mais qui est incroyablement prospère, en particulier dans les grandes plaines de la colonie, la plaine du Nord, dans la province du Nord, les plaines de l'Artibonite et du Cul-de-Sac dans l'Ouest, et la plaine des Cailles dans le Sud. Ces quatre plaines rassemblent environ 700 plantations de sucre. En 1789, on parle également de plus de 3000 plantations de café qui se trouvent dans les mornes haïtiens, les montagnes d'Haïti. Alors, lorsqu'on parle de Saint-Domingue au XVIIIe siècle, on en parle généralement à cette époque comme une perle. Saint-Domingue serait la perle des Antilles. C'est le modèle par excellence d'une société esclavagiste qui fonctionne très bien et surtout, j'insiste sur ce point, qui enrichit la France. Ouais. L'essentiel du commerce extérieur français repose sur les revenus que l'on tire de l'exportation du sucre et du café. Mais un endroit où, quoi, à peu près 9 citoyens, 9 habitants sur 10 sont esclaves. Oui, alors, en 1789, on estime qu'il y a environ 500 000 esclaves à Saint-Domingue pour environ 55 000 blancs et personnes de couleur libre. Et il y a à peu près autant de blancs que de personnes de couleur libre à Saint-Domingue. Ici, je dois ajouter que s'il y a 500 000 esclaves en 1789, donc à la veille de la Révolution française et de la Révolution haïtienne, il faut préciser que Saint-Domingue reçoit au XVIIIe siècle environ 1 million d'esclaves africains. Donc c'est un esclave sur 6 qui traverse l'océan Atlantique qui atterrit dans ce tout petit territoire, je le répète, grand comme le Massachusetts. Ouais. Un esclave sur 6, ça veut dire que Saint-Domingue est vraiment le cœur de l'esclavage dans les Amériques. C'est une société incroyablement brutale. Un million d'esclaves qui sont transportés, 500 000 seulement en 1789. Ça veut dire que le taux de mortalité est terrible. Oui. On meurt à Saint-Domingue. Alors, revenons à ce contexte révolutionnaire. Tout ça se passe à peu près en même temps. Révolution américaine, Révolution française, Révolution à Saint-Domingue, Révolution haïtienne. De quelle manière la Révolution française, la Révolution américaine vont inspirer, en fait, ce qui va se passer à Saint-Domingue? Alors, on a souvent présenté la Révolution haïtienne comme étant un petit peu la fille des révolutions américaines et françaises. En fait, ce que j'aimerais répondre à la question en insistant sur la circulation des personnes, des idées, des textes révolutionnaires, des pamphlets dans cette période cruciale, disons, qui va du début des années 1770 à la fin du XVIIIe siècle. Donc, les idées révolutionnaires circulent et les esclaves de Saint-Domingue, qui ne s'appellent pas Voltaire, Condorcet, Montesquieu, n'ont pas besoin finalement d'être des philosophes patentés pour comprendre le sens du mot liberté, le sens du mot esclavage. Ouais. Donc au fond, il y a vraiment cette circulation transatlantique de ces idées révolutionnaires, de la notion de droit. Un texte comme la Déclaration des droits de l'homme, adopté par l'Assemblée nationale française à la fin du mois d'août 1789, ces textes circulent. Donc au fond, le Saint-Domingue, enfin, je pense qu'il faut concevoir la révolution haïtienne, non pas comme la fille des deux autres révolutions, mais plutôt comme une révolution autre qui est le résultat d'une dialectique transatlantique. Ouais. quelque chose circule et quelque chose est transformé à Saint-Domingue. Et finalement, c'est Saint-Domingue qui va, d'une certaine manière, poursuivre et achever l'œuvre des révolutions françaises et américaines. Très certainement, du côté français, cette notion de droits et libertés, ça va parler aux gens, à la population de Saint-Domingue. Et puis, peut-être plus du côté de cette petite fraction blanche à Saint-Domingue, mais du côté américain, on regarde avec beaucoup d'intérêt à Saint-Domingue ce qui se passe, l'affranchissement par rapport à la métropole, la question de qui gouverne. Tout à fait. Ça va être important aussi. On dit que ça commence, cette révolution haïtienne, Jean-Pierre Ledelenec, le 14 août 1791 à Bois-Caïman. On va parler dans un instant de l'importance de ce qui se passe là, mais à nouveau, on écoute d'abord un extrait du reportage que Judith Jasmin ramène d'Haïti pour l'émission Premier Plan en 1959. C'est dans la nuit du 14 août 1791 que mon pays décida la révolte. Sous l'inspiration de Bookman, un grand prêtre vaudou, un groupe d'esclaves se réunit dans une clairière du bois Caïman pour préparer un soulèvement massif. Le mot d'ordre du chef des Salines se résumait dans une seule phrase. Coupez tête, boulez caille. Il fallait couper les têtes et brûler les maisons. Après la cérémonie, une femme, la Mambo, étendue sur le sol de terre battue, fut secouée d'un frisson qui s'empara de tout son être. Couteau à la main, elle se lève, pivote sur elle-même et, dans un excès de frénésie, enfonce le couteau dans la gorge de la victime, un cochon noir. Après ce sacrifice, tous les esclaves présents boivent alors le sang rouge de l'animal en guise de serment au grand prêtre Bookman. 8 jours plus tard, dans la nuit du 22 août, et 12 années durant, les flammes s'élèvent des 4 coins de l'île et des têtes, beaucoup de têtes, tombent sous les couteaux. Et depuis, mon pays ne cesse de revivre ses jours et ses nuits où un flot d'esclaves se libérèrent de l'esclavage. Revenons sur ce qu'on vient d'entendre. Évidemment, c'est une version très théâtralisée, poétisée, mais quelle importance ont ces événements évoqués dans ce qu'on vient d'entendre, ces événements de Bois-Caïman, dans l'histoire de la Révolution haïtienne, Jean-Pierre Ledelenec? On présente généralement dans l'historiographie haïtienne, en particulier la cérémonie du Bois-Caïman, en effet comme une cérémonie vaudou qui aurait eu lieu le 14 août 1791. C'est un petit peu le point de départ de la Révolution haïtienne, une sorte de cérémonie religieuse d'union de la nation avant que la nation existe. C'est un point de départ, certes, mais c'est un point de départ un peu tardif parce qu'en fait, les premiers à déclencher la révolution à Saint-Domingue sont plutôt les libres de couleur qui demandent l'égalité des droits politiques qu'ils n'obtiennent pas. Et les blancs, qu'on divise généralement en deux groupes, ceux qu'on appelle les grands blancs et les petits blancs, les blancs s'opposent évidemment aux revendications politiques et sociales des libres de couleur. Donc, et les blancs et les libres de couleur arment les esclaves, enfin certains esclaves finalement, afin de lutter de leur côté. On ne s'attend pas à l'impensable, on ne s'attend pas à la cérémonie du Bois-Caïman du 14 août 1791 qui a peut-être eu lieu le 21 août. Enfin bon, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Mais ce qui est certain donc, c'est qu'après les libres de couleur et les blancs et les petits blancs et les grands blancs, ce sont les esclaves qui, dans la nuit du 22 au 23 août, en particulier dans la province du Nord et en particulier dans la plaine du Nord, dans les paroisses du Limbé et de la Cue, ce sont les esclaves qui prennent les armes et qui mettent le feu au sucre, à l'appareil de production. Ouais, et ça, c'est vraiment un geste, on le comprend bien, très, très important. Il y a une figure aussi très, très importante et incontournable quand on parle de cette révolution haïtienne, à côté de laquelle on ne peut pas passer, c'est celle de Toussaint Louverture, qui vraiment est un des grands héros de la révolution haïtienne. On écoute l'auteur haïtien Daniel Laferrière qui explique à Serge Bouchard le projet que poursuit Toussaint Louverture à l'émission Les chemins de travers en 2009. Toussaint avait une idée, il disait qu'il fallait passer à l'indépendance avec armes et bagages. Voilà. Ça veut dire qu'il fallait en aucun cas que Saint-Domingue perde de sa richesse. C'est pas parce que nous serons les maîtres que nous devrions être pauvres. Il voulait que Saint-Domingue reste aussi riche qu'avant et garde toujours sa place dans l'économie mondiale. Voilà. C'est-à-dire continuer à négocier avec la France. Et d'où toutes ces stratégies qu'il va mener. Jamais Toussaint a rompu avec une puissance totalement. Même quand il quitte l'Espagne, il continuait à négocier en sous-main. Il faut que ça fonctionne et toujours la réflexion, il avait l'idée de pays. Alors que les autres étaient dans l'idée de liberté simple. De liberté simple. Simple. Lui, il voulait exactement faire ce que je pourrais appeler la première et peut-être l'une des plus véritables révolutions de l'histoire humaine. C'est-à-dire faire passer d'un individu qui était nommé, identifié dans une constitution comme étant un bien meuble, c'est-à-dire moins qu'un chien, faire passer cet individu-là, non pas de l'esclavage à la liberté, mais de l'esclavage à la citoyenneté. À la citoyenneté, c'est bien ça. Absolument. Et pour être citoyen, il faut pas être seul. Il faut continuer à négocier avec tous les autres, puisque l'univers, c'est un champ d'intérêts divers, voilà, qui est toujours en mouvement, et Toussaint, l'esclave de Bréda, l'avait bien compris. Alors, qui est-il, Toussaint Louverture, et quel rôle va-t-il jouer, Jean-Pierre Lelonec, dans cette révolution haïtienne? Bien, Toussaint Louverture est un ancien esclave de la plantation Bréda, dans le haut du, enfin, au haut du Cap, qui se trouve en arrière du Cap français, province du Nord. Il naît en 1743, issu probablement d'une famille princière africaine. Il est libéré dans les années 1770. Il devient lui-même, d'une certaine manière, propriétaire d'esclaves. Il loue une petite plantation, ainsi que 13 esclaves, parmi lesquels se trouve le premier père de la nation haïtienne, Jean-Jacques Dessalines. Donc Jean-Jacques Dessalines travaille en tant qu'esclave pour Toussaint Louverture. Toussaint Louverture est toujours attaché à la plantation Bréda en 1789. Il est cabrouettier, charretier. On ne sait pas trop finalement quel rôle il joue entre 1789 et 1791. Les premiers leaders de la révolution haïtienne s'appellent plutôt Jean-François, Georges Biassou, Jeannot, Macaya. On sait que Toussaint Louverture combat d'abord pour l'Espagne, qui est l'ennemi de la France jusqu'en 1795. Toussaint Louverture combat pour l'Espagne jusqu'au printemps 1794, c'est-à-dire quelques semaines, quelques mois après le décret de la Convention française du 4 février 1794 qui abolit l'esclavage, oui, à Saint-Domingue, mais pas seulement à Saint-Domingue, dans toutes les colonies du monde colonial français, et qui fait des esclaves des citoyens français. Alors donc, Toussaint Louverture joue un rôle assez secondaire dans un premier temps, puisqu'au fond, si l'esclavage est aboli par la Convention française, c'est parce que les esclaves de la province du Nord en particulier se soulève donc en 1791 et force les autorités françaises le 29 août 1793 à abolir l'esclavage. Donc l'esclavage est aboli dans la province du Nord le 29 août, un peu plus tard dans les provinces de l'Ouest et du Sud. Quelques mois plus tard, cette abolition est reconnue par la Convention française et c'est seulement après que Toussaint Louverture accepte de faire volte-face, ouais, et il quitte l'Espagne, rejoint la France et ensuite c'est l'ascension irrésistible de Toussaint Louverture qui devient général de division, gouverneur adjoint de la colonie, commandant en chef de l'armée de Saint-Domingue et puis plus tard... L'homme de la France à ce moment-là, à Saint-Domingue. Ah mais absolument, ouais, c'est un général génialissime, il dort très peu, il travaille sans cesse, c'est un cavalier extraordinaire. Toussaint Louverture réussit non seulement à défaire l'Espagne en 1795, il défait la Grande-Bretagne qui tente d'envahir la colonie. La Grande-Bretagne quitte la colonie en 1798 après y avoir laissé plusieurs dizaines de milliers de soldats. C'est un homme génialissime, contradictoire, ouais, mais génialissime. Ouais. Cela dit, la situation, vers 1800, la situation se corse et là, vous avez parlé des Français, vous avez parlé des Britanniques, vous avez parlé des Espagnols, mais en fait, la situation se corse et se transforme en guerre civile, en guerre de clans à Saint-Domingue. Et dans cette guerre-là, évidemment, notre ami Toussaint Louverture continue de représenter un des clans. Parlez-nous de ça, de ce contexte de guerre civile. Oui, Toussaint Louverture est un habile tacticien. Fin 18e siècle, il réussit à se débarrasser de l'Espagne et de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne, mais il est confronté à une sorte de guerre civile, en effet, qui oppose d'un côté ce qu'on appelle les Noirs, qu'incarnerait Toussaint Louverture et puis Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe, qui contrôlerait le nord et l'ouest de la colonie, et puis plutôt les mulâtres, qui sont soutenus par la France, incarnés par André Rigaud dans la province du Sud. Alors, la colonie est en effet déchirée, ce qui est assez classique finalement dans un processus de création nationale. Il y a toujours des déchirements et des guerres civiles. C'est Toussaint Louverture qui l'emporte. André Rigaud et Alexandre Pétion, qui sont finalement les grandes figures mulâtres, dites mulâtres du Sud, quittent pour la France, et Toussaint Louverture a donc le champ libre, ouais, pour devenir gouverneur à vie. Il se proclame gouverneur à vie à l'été 1801 et, chose impensable pour Napoléon, il dote la colonie munie d'une constitution. De fait, Saint-Domingue devient quasi indépendante. En fait, il va beaucoup trop loin au goût de Napoléon, qui décide, il n'y a pas que ça à remarquer, mais qui décide d'abord de régler son affaire à Toussaint Louverture et qui s'intéresse à nouveau à Saint-Domingue, parce qu'il y a eu entre-temps la question louisianaise qui est entrée dans l'équation. Mais que se passe-t-il? Et les Français vont tenter de revenir donc en masse avec une opération militaire conséquente à Saint-Domingue en 1802. Décrivez-nous cette opération-là et pourquoi surtout d'abord Napoléon s'intéresse à nouveau à Saint-Domingue? Ben, Napoléon est conseillé par des hommes qui sont nostalgiques de l'Ancien Régime et de l'ordre colonial esclavagiste d'avant 1791. Alors, début 1801, début 1802, on lui conseille finalement d'envoyer une forte expédition militaire sous le commandement de son beau-frère, le général Leclerc, afin de rétablir l'ordre à Saint-Domingue. On entend par là l'ordre racial et à terme, rétablir l'esclavage. Oui. L'esclavage est aboli, pour le répéter, le 4 février 1794, mais il est d'une certaine manière rétabli au printemps 1802 par Napoléon, partout là où il n'a pas été aboli, puisqu'en Martinique, l'esclavage n'a jamais été aboli, puisque la Martinique était occupée par la Grande-Bretagne. Mais donc, l'objectif de Napoléon est de rétablir l'esclavage dans cette colonie de Saint-Domingue. C'est un processus, là aussi, complètement impensable. On a fait de 400 000 esclaves, 500 000 esclaves, des citoyens noirs en 94 et en 1802. On veut en refaire. On veut de nouveau les transformer en esclaves. L'expédition napoléonienne arrive en février 1802. En tout, Napoléon envoie à Saint-Domingue près de 60 000 soldats afin de rétablir l'ordre. Finalement, c'est une immense déroute française. De ces 60 000 soldats, meurent peut-être 55 000 hommes. Napoléon ne parviendra jamais à ses fins, c'est-à-dire déporter les officiers noirs, rétablir l'esclavage et puis rétablir la production de la canne à sucre et du café à Saint-Domingue. Et l'indépendance se fera donc. Il y aura, après cette défaite française, proclamation de l'indépendance haïtienne le 1er janvier 1804, c'est pas Toussaint Louverture qui fera cette proclamation d'indépendance. Non, Toussaint Louverture est déporté en juin 1802. Il est envoyé dans une prison du Jura, au fort de Joux. Il y meurt début avril 1803. L'indépendance, elle est réalisée par les généraux Pétion, Jean-Jacques Dessalines et Christophe, qui s'allient de manière assez surprenante à l'automne 1802. Donc au fond, c'est la réconciliation des Noirs et des Mulâtres à l'automne 1802. Le grand chef d'État, le grand chef militaire, c'est Jean-Jacques Dessalines, qui, au printemps 1803, met fin au rêve d'extermination, au rêve génocidaire du général Rochambeau, qui prend la suite du général Leclerc, mort de fièvre jaune. Et puis, en novembre 1803, le 18 novembre, a lieu la toute dernière bataille de la guerre d'indépendance, la bataille de Vertières, qui est le grand lieu de mémoire par excellence de la bravoure haïtienne, et aussi un lieu occulté dans la mémoire française. C'est la fin du rêve de rétablissement de l'esclavage de Napoléon, et c'est vraiment la proclamation d'indépendance avant l'indépendance, au fond. Hein, le 18 novembre 1803, 1er janvier 1804, l'impensable arrive, Haïti. Saint-Domingue devient Haïti, c'est une anomalie totale. Début 19e siècle, l'esclavage se renforce partout dans les Amériques, à Cuba, aux États-Unis, au Brésil. Et finalement, on voit advenir une nation qui est fondée sur la négation absolue de l'esclavage. Jean-Pierre Leglenec, c'était fascinant. Professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.